piste, suis plus énergique qu'une pile électrique. T'as vu, j'ai vu tes yeux qui me pistent. Ben oui, mon gros salaud, j'ai remarqué ta trique. Que flipper, je vais pas bouffer. Si tu restes collé sur ta chaise, oh.